Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatto allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Marguerite Gatto, bonjour, vous êtes la réalisatrice et la productrice de cette émission qui date de 1988-1989, cette collection Histoire d'enfance, première lecture. Nous allons entendre Emmanuel Riva. Vous vous souvenez d'Emmanuel Riva à cette époque? Oh, je m'en souviens très bien. Je pense que je n'avais jamais travaillé avec elle et j'avais très envie évidemment de la rencontrer. Moi, je la connaissais comme tout le monde par Hiroshima, mon amour, évidemment. Et à l'époque, Emmanuel Riva avait très peu de travail. Il faut savoir qu'elle a passé une période très difficile dans sa vie où elle avait presque plus de travail parce qu'en fait, Hiroshima, mon amour, l'a écrasée, quoi. Ça a été un truc terrible. Et donc, Alain Truta, qui aimait beaucoup cette actrice, enfin, qui avait un lien avec elle, nous avait demandé de l'embaucher, je me souviens. Et moi, j'étais un peu émue, assez impressionnée d'avoir Emmanuel Riva dans mon studio. Et donc, déjà, elle a désamorcé ce trac que j'avais un peu face à elle en choisissant les pieds nickelés parce que ça correspondait tellement pas à l'image durassienne d'Emmanuel Riva, les pieds nickelés. Et puis, elle était très très marrante, une petite bonne femme très marrante. Et alors, elle s'est assise et puis elle a décrété que elle ne parlerait pas si je ne lui tenais pas la main pendant toute la lecture. Donc moi j'ai essayé de lui dire que j'étais quand même plus à ma place en cabine pour l'écouter, pour ça. Ah non, elle a rien voulu savoir. Et moi j'avais envie évidemment de pouffer de rire parce que Emmanuel Riva qui a toujours ce ton très grande dame en fait, en train de lire ses pieds nickelés et de prendre vraiment son pied à le faire, c'est le cas de le dire. C'était vraiment incroyable. Mais jusqu'au bout je lui ai tenu la main et pendant l'entretien idem. Et vous avez beaucoup travaillé avec elle par la suite? Oui, dès que je pouvais. En fait, quand j'avais quelque chose pour elle, j'appelais Emmanuel Riva. Jusqu'à Charlotte Delbault, il y a peu de temps. Quelques années avant sa mort. Oui, à Avignon. Oui. Et puis oui, après je l'ai revue encore une dernière fois au théâtre, puisqu'elle jouait un Duras au théâtre, le théâtre des Abbesses, là, le petit théâtre privé. Enfin, je sais pas, bref, elle jouait un Duras. Et puis c'est là que je l'ai vue, là elle commence à être très mal en point et tout. Mais j'ai gardé beaucoup de tendresse pour elle. C'est vraiment une très grande dame, très émouvante et avec des origines très modestes. Sa mère était couturière et elle venait des Vosges, d'une petite vallée des Vosges où elle retournait tous les ans. Merci Marguerite Gatto. Nous écoutons donc Emmanuel Riva. C'est surtout les attitudes dans les dessins, les gestes, mais pas dans le raffinement du dessin. Ainsi, leurs mains, si on regarde bien, on a toujours l'impression qu'ils ont ou des moufles ou des gants mal tricotés ou les doigts palmés. C'est à peine ébauché le dessin des mains. Et pourtant, ça ne nous manque pas. Là, on dirait qu'ils ont des moufles. On ne voit que le pouce et le reste. Ou des moignons, oui, c'est ça. Première lecture. Lecture d'enfance. Aujourd'hui, Emmanuel Riva lit « Les pieds nickelés s'en vont en guerre » de Louis Forton. Croquignol, c'est celui qui a la barbe? Attendez, non, c'est celui qui a le grand nez. Je ne sais plus, moi. Coquignol, Ribouledingue, Filochard. J'ai eu une passion, vous savez, pour ces trois compères. Je ne savais, quand j'étais petite, pas lequel admirer le plus. D'abord, il faut songer à quelque chose, c'est qu'ils étaient des vrais amis, parce qu'ils étaient complètement soudés, complètement d'accord, toujours en harmonie, toujours en complémentarité. Il y a du monde au Balkan. 1913. Dans l'auberge où ils s'étaient rendus après leur évasion, les pieds nickelés causaient de la guerre qui venait d'éclater dans les Balkans. « Nous finissons, déclarait Ribouledingue, par avoir une trop mauvaise réputation en France. Et puisque vous êtes tous de mon avis, je propose de filer là-bas le plus tôt possible. D'abord, nous y ferons peau neuve et en outre, nous aurons l'occasion d'y remonter notre cagnotte qui sonne le vide comme un grelot. Allons-y ! S'écrièrent les trois complices avec le même enthousiasme que les croisés partant pour la croisade. Le trio, à pied, gagna une petite station peu éloignée du village où il avait trouvé à se restaurer. Ribouldingue, faisant l'office de caissier, fut chargé de prendre les billets et demanda à la préposée « 3 premières de zouave pour Grenoble, s'il vous plaît, ma petite dame !» L'employé, choqué de cette familiarité, lui délivra ses billets en le regardant de travers. Dans le compartiment du train où les trois inséparables avaient pris place, se trouvait un brave paysan avec qui ils s'empressèrent de lier conversation. On parla, pour commencer, de la pluie et du beau temps, des blés qui promettaient une riche moisson et des avoines qui laissaient à désirer. Au bout de 5 minutes, le villageois, abdiquant toute méfiance, traitait les pieniclés comme des amis de 20 ans et ne leur cachait point qu'allant à la foire d'un patelin voisin pour y faire des achats, il avait eu soin d'emporter une bourse bien garnie. Les oreilles des pieniclés n'étaient point des lanternes sourdes. Ils retinrent cette confidence et se promirent d'en faire leur profit. Bercé par les secousses du train, le paysan n'avait point tardé à s'endormir. Filochard, qui se trouvait à côté de lui, se leva sans faire de bruit et avec son doigté professionnel, lui subtilisa sa bourse en émettant cette réflexion. « Mon gros père, tu es trop bavard et tu risques de te faire dévaliser avant d'arriver sur le champ de foire. Pour que ta bourse ne soit pas volée, je vais la mettre illico en consigne. Barboter pour barboter, il vaut mieux que ta galette le soit par de bons vieux amis comme nous que par un tas de sales types que tu ne connais pas. » En arrivant à Grenoble, le paysan ronflait comme un moteur de triplan. Les trois copains ne jugèrent pas à propos de le réveiller et quittèrent précipitamment leur compartiment. Un peu plus tard, le brave homme ayant ouvert les yeux constata la disparition de ses compagnons de voyage. Pris d'un soupçon subit, il fouilla dans sa poche et s'aperçut que son fameux porte-monnaie si bien garni avait suivi les trois voyageurs. Il se répandit en gémissements, injures et lamentations, mais n'en fut pas plus avancé, car les trois filous qu'il maudissait étaient déjà loin. Tandis que le train, après avoir quitté la gare de Grenoble, continuait sa route à toute vapeur, emportant l'infortuné villageois dépouillé de tout son avoir, les pieds-nickelés qui s'étaient arrêtés dans le chef-lieu de l'Isère en profitaient pour se reniper à hauteur des pieds à la tête grâce au porte-monnaie dont ils l'avaient si habilement soulagé. Lorsqu'ils se furent habillés à leur fantaisie, ils se rendirent dans le meilleur restaurant de la ville et, toujours à ses dépens, s'offrirent un sardanapalesque festin. Ils étaient heureux. Et Croquignol, voyant que le début de leurs exploits s'annonçait bien, en tirait bon augure pour l'avenir. Ah ben Croquignol, c'est bien celui-là. On l'a appelé Croquignol et c'est pour ainsi dire le plus laid. Il a l'air bourré de boutons et alors il a le nez de Pinocchio, infiniment rouge, au moins sur 50 cm de long. Alors Croquignol, voilà. Et puis Ribouldingue... je crois que c'est celui, le barbu, il a la barbe partout, il a les cheveux assez longs qui traînent presque sur le col. Filochard, alors c'est celui qui ne voit qu'avec un œil, puis il a une casquette rouge. Croquignol a un chapeau vert à carreaux et l'autre a une casquette brune. Quant au dessin, ils sont toujours dans un mouvement juste. Il y a des cadrages exacts, comme au cinéma. Je pensais vraiment que ça ferait... J'imagine mal pourquoi on n'a pas fait des films avec les pieds nickelés, à ma connaissance, on n'en a pas fait. Et c'est, enfin, comme beaucoup de bandes dessinées. Il y a des cadrages extraordinaires. Ici, on voyait la moitié d'une maison, la moitié d'un cadre dans le coin. Ici, on voit la moitié de Filochard ou guichet des billets pour prendre le train. Il y a Filochard qui suit, mais on ne voit... Alors, ça ajoute énormément de comique et ça donne beaucoup de présence aussi. Après avoir fait une phénoménale ripaille à Grenoble, ils se rendirent à la gare de cette ville et prirent 3 billets à destination de Turin. Dans le couloir du sleeping, le trio, qui avait maintenant des allures de gentleman, causait à voix basse de ses petites affaires et prêtait une oreille attentive aux propos de Ribouldingue, le savant de la bande, qui donnait à ses complices quelques tuyaux indispensables sur les patelins qu'ils allaient honorer de leur visite. les trois inséparables associés, n'étaient point seuls dans leur compartiment. Un touriste anglais leur tenait compagnie. Voyant en lui une proie probable et facile, Croquignol sortit un jeu de cartes de sa poche et commença avec ses amis une partie de bonneteau en battant comtois, ou si vous préférez, au chiquet, afin d'amorcer l'insulaire qui, dès le début, avait l'air de s'intéresser fortement à la partie. « L'as de cœur !» s'esclaffait Riboulding. « Le voilà, mon vieux !» Et à chaque coup, infailliblement, il posait le doigt sur la carte en question. « En a-t-il de la veine ?» s'exclamait Croquignol. « À chaque coup, il gagne !» En même temps, il se tournait vers le fils d'Albion qui baragouinait un peu le français et se donnait la peine de lui expliquer la règle du jeu. « C'est d'une simplicité enfantine, » déclarait-il. « On prend trois as dans un jeu, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de cœur. On les mélange d'une certaine façon et il s'agit de deviner où est placé l'as de cœur. »« As-tu compris, Bouffi ?»« Oh, yes !» répondit l'anglais. Effectivement, à deux reprises, il indiqua la place où se trouvait l'as de cœur, mais les fois suivantes, il perdit régulièrement. Naturellement, et pareil en cela à tous les joueurs, il voulut s'obstiner, espérant voir revenir la chance, mais celle-ci, aidé par Croquignol, le bouda et il perdit avec une guigne persistante tout ce qu'il avait sur lui. Plus 100 livres sterling qu'il joua sur parole. En arrivant à Turin, seconde étape de leur voyage, les Pieniclés descendirent du train et prirent congé de l'insulaire en disant « À la revoyure, mon vieux Rosebif !» Lorsque tu joueras encore au bonneteau, ouvre tes quinquets et tâche moyen d'avoir plus de veines. » C'est à peine s'il leur répondit, tellement il était navré de sa guigne. Après le départ de ses compagnons de voyage, il s'aperçut que ceux-ci, en s'en allant, avaient oublié leur jeu de cartes sur la banquette. Il le ramassa, l'examina et poussa un rugissement de fureur. « Ah, les sales filous !» fulminait-il. « J'ai été volé comme dans un bois !» Dans leur jeu, il n'y a que les as de trèfle, de pique et de carreau. L'as de cœur fait défaut. C'est un jeu truqué. Je comprends à présent, mais un peu tard, hélas, pourquoi je n'arrivais jamais à mettre la main sur l'as de cœur. Ah, les gredins! Si jamais je les retrouve! En attendant, je vais toujours les signaler à la police. Pendant que l'anglais, décavé par les pieds nickelés, prenait des résolutions énergiques, Croquignol, Riboulding et Filochard, sans prendre plus souci de l'insulaire que de leur casier judiciaire, prenaient place dans le compartiment d'un autre train se dirigeant sur Ancône. Le voyage fut, ou du moins leur parut, de courte durée. En débarquant dans cette dernière ville, ils prirent la direction du port et montèrent à bord d'un vapeur faisant le service de l'Adriatique. Riboulding, expliquant l'itinéraire à ses compagnons, annonçait « Nous allons nous rendre à Budna, qui est un petit port situé sur les côtes de la Dalmatie, près de la frontière du Monténégro. Quand nous arriverons là, nous serons à proximité du théâtre de la guerre. » « En route pour Budna !» répondirent en chœur Croquignol et Filochard, pendant que le bateau, ayant levé l'ancre, gagnait le large. Quand ils arrivent au Monténégro, ça c'est superbe parce que on voit tout un mouvement du pays, les trois en face des trois. Les gens du Monténégro restent très impassibles devant les trois qui arrivent. Ils ont aussi d'ailleurs, mais pas tous, il y en a un qui a le nez rouge, mais pas tous, il y en a qui... Et puis on voit au lointain des gens qui travaillent. Il y a l'escalier, tout est évoqué, le port est très bien évoqué, ainsi que la haridelle qui tire l'espèce de charrette, là, deux roues. Et puis alors là, il y a trois points d'exclamation. Oui, devant l'arrivée des fusils, qui sont des jouets d'enfants. Ça, alors, c'est... Ils ne disent rien, ils sortent des gros points d'exclamation noirs de chacun de leurs bouches. Et quand j'étais petite, tout ça, puis tout ça, c'est marqué fragile aussi. Haut et bas, fragile, les caisses qui arrivent. Tout ça me médusait, me réjouissait, je me souviens, c'est... Je hurlais de joie et de rire parce que ce sont des compères qui agissent contre l'ordre établi et tout ça. Chose que la plupart de nous autres ne pouvons faire. Alors, ces histoires, ils les font à notre place. Ils osent ce que presque personne n'ose. Comment est-ce que vous les avez connus, les Pieniclés? Les Pieniclés, je les trouvais... qui, je l'avais oublié, paraissait dans l'épatant. J'avais oublié que ça paraissait dans l'épatant. C'était des cousins dans un petit ermitage au-dessus de Plombières-les-Bains qui avaient ça. Alors là, je me réjouissais beaucoup parce que je me mettais à la fenêtre. C'était un ermitage en hauteur, donc je plongeais sur la vallée de Plombières. J'avais en face de cette fenêtre qui était au premier étage, une vaste fenêtre avec un grand rebord, beaucoup, une grande place pour m'y asseoir et mettre mes pieds, donc bien installée, confortablement. Et je pouvais voir tout ce qui se passait, tout ce qui venait, tout ce qui partait de ces trucs qui descendaient. Et j'avais donc double volupté parce que je lisais là les pieds nickelés. C'était mes cousins qui avaient les patents. Les pieds nickelés mettant à exécution leur projet d'aller faire un tour de promenade dans les Balkans, histoire de se changer d'air et de voir s'il y aurait moyen de fricoter sur le théâtre de la guerre. C'était embarqué à Ancône à bord d'un vapeur faisant le service de l'Adriatique et qui devait les conduire à Budna. Croquignol, Ribouledingue et Filochard eurent la chance de voir leur traversée favorisée par un beau temps. L'argent volé à l'anglais au jeu de bonneteau leur avait permis de prendre des billets de première classe, ce qui les mettait à même de goûter tout le confort dont ce bâtiment pouvait disposer. Leur valise à la main, ils débarquèrent à Budna où leur arrivée sur le port causa une certaine sensation parmi les habitants qui les dévisageaient avec une insistance singulière. Qu'est-ce qu'ils ont donc à nous yeuter comme ça? Mais tu n'y es pas, répliquait Ribouledingue, dans ce patelin un peu sauvage où les flingots partent tout seuls, le touriste qui craint pour sa peau se fait plutôt rare. Alors tu comprends, nous qui avons le culot de débarquer chez eux aussi tranquillement que si on rappliquait ici les moulineaux, Bécon, les bruyères ou Brive-la-Gaillarde, on nous considère un peu comme des bêtes curieuses et notre audace leur embauche un coin. Tiens, voilà justement un indigène qui s'amène de notre côté. Je vais lui demander s'il consentirait à nous conduire à Sétigné, qui est leur capitale. L'indigène auquel Ribouledingue s'adressa, ayant accepté de les conduire jusque-là pour un prix convenu, les pria d'attendre un instant et disparut pour revenir une demi-heure plus tard avec un attelage qui provoqua l'hilarité des trois voyageurs. « Tu parles d'une bagnole !» s'esclaffait Croquignol. « Une simple caisse à claire-voie posée sur deux roues. Eh ben, les Lascars, ils peuvent se vanter de ne pas se ruiner en carrosserie. V'là une guimbarde qui ferait un effet épatant au musée de Cluny. Je retiens le moelleux des ressorts. Mince, on va seulement être chahuté dans cet omnibus. Ça doit être épatant pour faciliter les digestions laborieuses. Enfin, comme nous n'avons pas l'embarras du choix, il faut bien en passer par là, à la guerre comme à la guerre. Ainsi que disait je ne sais plus qui. Après avoir blagué cette rudimentaire carriole, les pieds nickelés s'y installèrent et le conducteur, menant son cheval à la bride, prit aussitôt le chemin conduisant à Sétigné. Le voyage fut long et fatigant. Les routes mal entretenues et souvent à peine indiquées étaient agrémentées de grosses pierres et de fondrières qui à chaque instant provoquaient de fantastiques chaos et les précipitaient les uns sur les autres. « Cochon de pays !» ronchonnait Croquignol, « patelin de sauvages !» Ils ne peuvent donc pas avoir des autobus et des rues pavées en bois comme partout. Ce n'est pas encore par ici que je viendrai me retirer pour planter mes choux, je le jure. Enfin, ils arrivèrent à destination, payèrent au conducteur le prix convenu, et tinrent un conciliabule pour décider ce qu'il y aurait à faire dans le pays. Vos parents n'achetaient pas de livres? Non. Et ils ne lisaient pas eux-mêmes? Ah si, mon père dévorait les livres, mais c'était ses copains qui lui prêtaient des livres extraordinaires. Il y avait des Alexandre Dumas, il y avait Balzac qui arrivait, il y avait toutes sortes de choses, mais c'est très rare. Moi j'ai commencé à acheter des livres quand j'ai commencé à gagner ma vie, puisque j'ai commencé par la couture, j'étais couturière, et là je me suis acheté des livres de poésie, je me suis acheté des tas de livres qui me plaisaient, je cherchais ce qui me plaisait, quoi. Autrement, les livres arrivaient, vous savez, et puis c'était une époque où tout le monde se prêtait les livres. C'était très chaleureux. On habitait, bon, il y avait une cour, il y avait plein de locataires dans la maison. On se retrouvait dans la cour, on cardait les matelas au grand air, on cardait la laine et le crin des matelas. On faisait des échanges extraordinaires avec les autres. Ah, oui. C'était toute une autre vie, pas comparable avec ce qui se passe maintenant. Complètement une vie de villageoise. C'était très vivant, c'était très amusant. Il n'y avait pas de livres, on n'achetait pas de livres à la maison. Il n'y avait pas place pour acheter des livres, je parle de financièrement. Quelqu'un vous faisait la lecture? Vous racontez des histoires? Non, pas du tout. Oh, non, je me débrouillais toute seule. Mon père était artisan peintre en bâtiment. Et ma mère, elle était à la maison. Elle travaillait aussi pour une usine. tricotait des bérets, elle s'activait beaucoup. Il y avait un jardin potager très grand, il y avait de quoi travailler, croyez-moi. Mes parents n'arrêtaient pas une minute. Donc j'étais dans un milieu ouvrier et artisan. Il n'y avait pas beaucoup de loisirs. Même les dimanches se passaient, enfin, il y avait quelques loisirs. On jouait à la pelote basque, on jouait à la raquette. Il y avait le dimanche, existait le dimanche, c'était le dimanche. On le marquait bien et c'était une grande réjouissance. Mais on était habitués au travail, si vous voulez, c'était un climat. Mais je lisais toutes sortes de choses, tout ce que je pouvais. Mon père était un grand lecteur, il a lu... En plus de son travail, quand il était petit garçon, il me raconte qu'il lisait, même à la lueur des réverbères, dans une chambre au collège des garçons où il était, vous voyez, la nuit, parce qu'il n'avait pas le droit de... Alors vous imaginez, c'est la passion de la lecture. Moi aussi, je passais des grandes... On lisait même à la lampe électrique, si on pouvait, pour se cacher. C'est une passion de la lecture que j'avais, moi aussi. Bon, à l'école aussi, on lisait beaucoup. Vous savez, il y avait ce qui s'appelle un moment pour la lecture à haute voix. Très souvent, on me désignait, parce que comme j'avais la passion de ça, de la récitation, j'aimais beaucoup, j'étais contente quand on me faisait ou réciter des poèmes ou prendre le livre, parce qu'il y avait l'ouvroir à ce moment-là. L'ouvroir, c'était un certain loisir, mais qui était des travaux de couture ou de broderie ou de tricot. On pouvait y venir le jeudi, c'était à volonté, c'était le jour de vacances, mais on pouvait y aller. Puis il y avait aussi le temps de lecture, où les autres écoutaient simplement, les bras sur la table, sans rien faire. On désignait quelqu'un pour lire dans un livre. Et puis, tant que le livre n'était pas fini, ainsi on lisait Le Tour du Monde par deux enfants, c'était très beau, très passionnant, sans famille, toutes ces histoires-là. Enfin, il y a aussi des histoires de Victor Hugo, tout ça. Donc, j'aimais énormément, je me prenais au jeu, j'aimais énormément faire la lecture aux camarades. Alors ça, c'était une situation qui me faisait jubiler, parce que le désir d'être une actrice m'a saisi très tôt, aussi loin que je puisse me souvenir, c'est de toujours cet instinct de donner la représentation de... Oui, ça a toujours existé en moi, je ne me rappelle pas quand ça n'a pas existé. « J'ai une idée, insinua Ribouldingue, qui me paraît assez heureuse. Il s'agit tout bonnement d'aller trouver le roi de Monténégro, de lui demander une audience qu'il se fera un plaisir de nous accorder quand il connaîtra notre nationalité, et de lui vendre des armes pour la guerre. » Les deux associés approuvèrent pleinement la proposition de leur ami et, sans plus tarder, se dirigèrent vers le palais du roi, devant lequel un soldat de sa garde particulière montait la faction. « Hé, l'ami !» fit Ribouldingue en s'approchant du factionnaire. « J'aurai affaire à ton puissant souverain, le roi de Monténégro, une communication de la plus haute importance. À qui dois-je m'adresser pour le voir ?» À cette demande, formulée par Ribouldingue, la sentinelle courut trouver un officier et lui transmit la requête de l'étranger. L'officier, suivant le factionnaire, s'approcha du pied-niquelé et le questionna sur le motif de sa visite. « Je peux bien vous le confier, déclara Ribouldingue. Ayant appris que votre illustre roi avait déclaré la guerre à la Turquie, j'ai songé à venir en aide au Monténégrin en lui vendant des armes de première qualité dans les meilleures conditions et livrables à bref délai. Escompte au comptant ou traite à 90 jours. « Veuillez me suivre, répondit l'officier. Je vais vous conduire vers mon auguste souverain. C'est à lui qu'il appartient de donner à votre intéressante proposition la suite qui lui conviendra. » Ribouldingue, ayant été introduit auprès du roi par l'officier du palais, s'inclina profondément devant lui et renouvela ses propositions qui furent acceptées avec le plus grand empressement. Séance tenante, il reçut la commande de plusieurs centaines de fusils qui devaient être livrés d'urgence. Et sur cette importante commande, le roi lui fit verser immédiatement un acompte de 3 000 francs. « Ça va comme sur des roulettes !» jubilait Ribouldingue après avoir empoché l'avance de 3 000 francs qu'on venait de lui verser. « Si ça continue de la sorte, nous allons faire des affaires d'or !» Tout en soliloquant ainsi, le complice de Croquignol et Filochard, dont le visage reflétait la joie la plus vive, quitta le palais et, pressant le pas, il prit comme point de direction l'hôtel où ses copains étaient descendus. Il était impatient de leur faire part du pyramidal succès qu'il avait obtenu et pensait, en ébauchant un joyeux sourire, « Mince, qu'ils vont ribouler des calots et faire une margoulette en tirelire, les aminches, quand je sortirai de ma profonde les 3000 balles que leur roi vient de m'abouler. J'ai raté ma vocation. J'étais né pour faire un garçon de recette ou un représentant de commerce. » Hip, hip, hourra pour Ribouledingue ! Clamèrent avec un parfait ensemble croquignol et filochard en voyant leurs copains appliquer avec le magot. À la bonne heure, mon poteau, tu sais faire. À présent que nous avons palpé le pognon, il va falloir s'occuper de faire expédier la camelote au palais. Ce disant, croquignol émettant comme principe que l'on ne doit jamais remettre au lendemain ce qui peut être fait la veille, s'installa aussitôt devant une table et écrivit à Paris d'expédier sans retard les fusils. Après avoir mis sa lettre à la poste, il convint avec ses deux compagnons que le séjour à Sétigny pouvant devenir dangereux par la suite, il serait plus sage d'aller porter leurs pas ailleurs. Depuis quelques jours, les Pieds-Niclés avaient quitté la capitale du Monténégro quand tout un lot de caisses arriva au palais. Elles contenaient les fusils commandés. Le prince prévenu avait voulu assister au déballage des colis. On s'empressa de les déclouer. Mais à peine les caisses furent-elles ouvertes que le roi et tous ceux qui assistaient à la réception de la commande faite à Ribouledingue restèrent pétrifiés de stupeur en constatant que les fameuses armes à tir rapide et à longue portée étaient tout simplement des jouets d'enfants, des petits fusils de bazar à 13 sous. Le roi en était bleu de colère. « Malédiction !» rugissait-il. « Nous avons été volés par un audacieux filou, que l'on recherche immédiatement le misérable qui s'est permis d'abuser ainsi de ma confiance et qu'on le pende ainsi qu'un vil coquin. » Malheureusement, cet ordre arrivait trop tard. Les Pieds-Niclés, devinant ce qui les attendait, avaient quitté la capitale monténégrine dans un char traîné par des bœufs et roulaient dans cet équipage vers la frontière serbe pour y continuer la série de leurs exploits. Qu'est-ce qui vous plaisait dans les Pieds-Niclés, dans ces personnages? Et je vous dis, c'est leur liberté d'action et d'agir contre l'ordre établi. Ce sont des anarchistes, ce sont des... Comme je disais au départ, tout à l'heure, ils osent faire ce que la plupart d'entre nous n'osent pas faire, sinon on va en prison, parce que c'est toujours presque impunément, ou alors ils s'évadent de prison avec un génie incomparable. Et donc c'est très difficile de faire dans la vie ce qu'ils font. Ce qu'ils font est très amusant. D'abord, ils vivent une vie libre, extrêmement variée. Ils n'arrêtent pas de s'amuser, même lorsqu'ils ont des difficultés. Ils ont le génie de s'en sortir. Imaginez un peu. Il se trouve que moi, j'aurais sans doute aimé pouvoir faire comme eux, voilà, dans la vie. Peut-être, c'est peut-être ça qui m'a attirée. Et puis alors, c'est tellement drôle. Ils me réjouissaient, quoi. Après avoir trompé le roi de Monténégro, en lui faisant expédier comme armes à feu des fusils d'enfants à 13 sous, les Pieds-Niclés louèrent vivement une voiture traînée par des bœufs et décidèrent, sur la promesse d'une bonne récompense, un indigène à les conduire jusqu'à la frontière serbe. « Nous sommes des pacifistes, » disait Ribouledingue en esquissant un narquois sourire, « et c'est en vendant des flingots à 13 sous aux nations qui rêvent de se bouffer le blaire qu'on arrivera à supprimer la guerre. » Première lecture, lecture d'enfance. Les Pieds-Niclés s'en vont en guerre, de Louis Forton, par Emmanuel Riva. Guy Senneau, Bernard Laniel, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.